alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on fait rien. Très bien, mais après, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on s'admire, et quand on a fini, comme on n'a rien à se dire, on dit rien, et puis on rit. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on fait rien. Très bien, mais après, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Comme on se plaît beaucoup, coucou, on se prend par le cou, coucou, on oublie ses tracas, coucou. Ah, t'allais dire une bêtise. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on fait rien. Oui, mais, et après, dis-moi, et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'en parle pas. Papa, pour éviter le faux pas. Papa, mais j'y pense sans répit. Papa. Oh, t'allais dire une bêtise. Alors, raison vrai. Et tu vois, on fait rien. Oui, mais, et après, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Loin de toi, il me semble que je suis fort comme un roc. Puis dès qu'on est ensemble, mon petit cœur, il fait toc-toc. Ça, ça me plairait. Alors, qu'est-ce qu'on fait?